rentré chez eux, il jeta son chapeau sur un meuble, arracha sa cravate. « Ah, tu viens de faire quelque chose de propre, avoue-le. » Elle se campa fièrement devant lui. « Eh bien après, où est le mal ? Comment ? Tu m'espionnes ? Est-ce ma faute ? Pourquoi vas-tu te divertir chez les femmes honnêtes ? N'importe, je ne veux pas que tu les insultes. En quoi l'ai-je insulté ? » Il n'eut rien à répondre, et d'un accent plus haineux. « Mais l'autre fois, au Champ de Mars. Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes. » Misérable. Il leva le poing. « Ne me tue pas, je suis enceinte. » Frédéric se recula. « Tu mens. Mais regarde-moi. » Elle prit un flambeau et montrant son visage. « T'y connais-tu ? » De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Frédéric ne nia pas l'évidence. Il alla ouvrir la fenêtre, fit quelques pas de long en large, puis s'affaissa dans un fauteuil. Cet événement était une calamité qui, d'abord, ajournait la rupture et puis bouleversait tous ses projets. Il voulut savoir la raison de sa démarche tout à l'heure. C'est que Mlle Van Nass lui avait envoyé, ce jour-là même, un billet protesté depuis longtemps. Et elle avait couru chez Arnoux pour avoir de l'argent. « Je t'en aurais donné, Frédéric. C'était plus simple de prendre là-bas ce qui m'appartient et de rendre à l'autre ses 1 000 francs. » Il rapporta le billet et ne reparla jamais de l'esclandre chez Mme Arnoux. Mais, dès lors, toutes les défectuosités de la maréchale lui apparurent. Le tête-à-tête devenait triste.